Chapitre 12. Après avoir vu Denisot disparaître dans la foule, Thérèse et le colonel descendirent la rue de Charonne en se dirigeant vers la Bastille. La rue avait son aspect des dimanches et des groupes encombraient çà et là les trottoirs au point que la circulation était quelquefois difficile. Il était évident que les ateliers étaient déserts et qu'on ne travaillait point. On causait, on discutait. Et devant les portes des marchands de vin se tenaient des sortes de réunions publiques. Point d'inquiétude sur les visages, mais plutôt de la confiance et de l'allégresse. Les orateurs expliquaient la situation, et ils le faisaient de la façon la plus rassurante. Il n'y avait plus de danger. Les Prussiens n'oseraient pas attaquer la République. On applaudissait. Et s'il s'était trouvé un esprit chagrin pour soulever une contradiction ou simplement un doute, il se serait fait mettre en morceaux. Plusieurs fois, le colonel et Thérèse s'arrêtèrent pour écouter ces discours qui tous roulaient sur le même thème. Maintenant, il n'y avait plus à s'occuper des Prussiens. Plusieurs fois, elle avait regardé son cousin comme pour lui demander ce qu'il pensait de cette confiance joyeuse, mais elle n'avait pas osé formuler sa question. Enfin, elle se décida. « C'est de la folie, » dit-il, « mais c'est avec la folie qu'on fait des choses extraordinaires. » Il est certain que s'il se trouve des hommes capables d'employer cet enthousiasme, le monde sera étonné. Voyez Denisot, qui, boiteux et manchot, s'en va bravement au-devant des Prussiens avec son pot à colle et son affiche. Il y a plus d'un Denisot à Paris, et il n'en faut pas beaucoup pour donner une puissante impulsion au sentiment national. Seulement il faut que cette impulsion soit dirigée. Et désormais, toute la question est là. Qui va prendre cette direction ? Sans direction, cet enthousiasme qui peut devenir héroïque se perdra en paroles et en fanfaronnades. Cependant, autour de ces groupes, on voyait des femmes avec des enfants dans leurs bras, qui ne paraissaient nullement enflammées par des sentiments héroïques. C'est que déjà pour elles, sans doute, se présentait la question du travail, c'est-à-dire de la misère et de la faim. Sans se laisser griser par ces fumées, elles sondaient l'avenir, elles avaient peur pour leurs enfants. Pas de travail, pas de pain. Comme ils quittaient la place de la Bastille pour prendre le boulevard Beaumarchais, car ils étaient comme des écoliers qui recherchent les chemins les plus longs, le colonel entendit prononcer son nom derrière lui. On l'appelait. Il se retourna. D'une voiture de place descendait un de ses anciens compagnons de plaisir, le baron d'Espoudelan, qui, des mains, lui faisait des signes pour l'engager à s'arrêter. Le baron était en costume de voyage, chapeau rond et sac en bandoulière. Vivement, il s'avança vers le colonel, et bien qu'il parût fortement surexcité, il salua Thérèse avec toutes les démonstrations de la plus exquise politesse, s'excusant d'aborder ainsi son ami chamberlain et de les déranger. « Nous parcourons Paris, ma cousine et moi, » dit le colonel. « Vous ne nous dérangez nullement, mon cher baron. Alors je demande pardon à... » Il hésita un moment, ne sachant s'il devait dire madame ou mademoiselle. « Mademoiselle Thérèse Chamberlain, » dit le colonel. « Je demande pardon à mademoiselle de vous entretenir d'affaires. Voici de quoi il s'agit. Je quitte Paris, car vous comprenez bien, mon cher, que je ne vais pas être assez simple pour m'enfermer avec un tas de républicains. Vous savez que je fais partie de ce tas. Oh, vous êtes un original. Je quitte donc Paris. J'ai fait transporter à la gare de Lyon une certaine quantité de bagages que je vais emporter avec moi. Mais au moment où l'on pèse ces bagages, on me dit que j'ai pour 1500 francs d'excédent. Je n'ai sur moi qu'un billet de 1000 francs et il faut que j'aille rue de la Paix, chez mon banquier, pour prendre de l'argent. C'était ce que je faisais quand je vous ai aperçu. Avez-vous 500 francs sur vous ? Le colonel s'était mis à rire. « Vous trouvez cette situation plaisante ?» dit Despoudelan. « J'avoue que 1500 francs d'excédent, cela est assez drôle. Croyez-vous que je vais laisser les objets auxquels je tiens à la disposition de ces brigands ?» Tout en parlant, le colonel avait ouvert son portefeuille et il en avait tiré un billet de 1000 francs. « Non, merci, 500 francs me suffisent, j'ai des traites sur Nice. » Le colonel lui tendit un billet de 500 francs. « Bien obligé, cher ami. Je vous devrai de n'avoir pas manqué le train. Et vous, où allez-vous ? Je reste ici. Ici ? Vous allez vous ennuyer comme un prisonnier. Il n'y a plus personne à Paris. Quel original vous faites. Adieu. Au revoir. » Après avoir respectueusement salué Thérèse, le baron d'Espoudelan remonta dans sa voiture, très satisfait de ne pas être exposé à faire manquer le train à son excédent de bagages. « Vous avez donc la main toujours ouverte, mon cousin ?» dit Thérèse en se remettant en route. « C'est une nécessité de la fortune. Ah ! Vous trouvez que je n'aurais pas dû prêter ces 500 francs ? C'est là ce que veut dire votre art, n'est-ce pas ? Je trouve... Mais non, je ne trouve rien. Alors vous ne voulez pas me dire tout ce que vous pensez ? Ah ! Tout ? J'entends ce qui me touche. Eh bien, je trouve que moi j'aurais mieux aimé offrir ces 500 francs à Denisot, qui peut en avoir besoin, qu'à votre ami, qui n'est pas du tout intéressant avec ses bagages. Ma jolie petite cousine, il faut que je vous gronde. Pour ma franchise ? Non, pour votre défaut de franchise, tout au contraire. Comment ? Vous avez cette pensée à propos de Denisot, et vous ne me la communiquez pas ? Je n'ai pas osé. Pourquoi n'avez-vous pas osé ? Pour Denisot ou pour moi ? Je suis sûr que Denisot n'aurait pas refusé un argent qui ne devait pas servir à ses besoins personnels. Sa fierté n'aurait pas été blessée d'accepter ceux qui pouvaient l'aider dans sa tâche. Alors vous avez cru que moi je refuserais de donner cet argent ? Non, assurément, mais je n'ai pas osé, par peur d'indiscrétion, vous adresser cette demande. Eh bien, vous avez eu grand tort. Vous m'auriez donné un plaisir, tandis que vous me laissez l'impression d'un remords. Je vois que je vous ai fâché. Oui, ma petite cousine, vous m'avez fâché contre moi-même, mais non contre vous. Aussi, je pense qu'à l'avenir, vous n'aurez plus peur des indiscrétions de ce genre. Ils marchèrent durant quelques minutes sans parler, puis tout à coup il se pencha vers elle. Je crois que j'ai trouvé un moyen d'adoucir le regret que me cause mon oubli envers Denisot. Vous ne pouvez pas courir après lui. Ce n'est pas cela que je pense. Quand on a fait le mal, on peut racheter sa faute en faisant le bien, n'est-ce pas ? Mais oui, il me semble. Vous rappelez-vous l'expression inquiète qu'avaient les visages de ces femmes que nous venons de voir tout à l'heure rue de Charonne, avec des enfants dans leurs bras ? Je les vois encore. Savez-vous à quoi elles pensaient ? Moi, je crois l'avoir deviné. À la misère, à la faim pour leurs enfants. Si nous empêchions cette misère, est-ce possible ? Possible de l'empêcher dans les circonstances présentes ? Non, je ne le crois pas. Mais possible de la soulager ? Oui, je le crois, au moins dans une certaine mesure. Dans quel arrondissement est la rue de Charonne ? Le 11e. Et où est la mairie de cet arrondissement ? Boulevard du Prince Eugène. Eh bien, allons boulevard du Prince Eugène, nous verserons une certaine somme pour les femmes et les enfants des ouvriers qui sont dans le besoin, et nous chargerons la mairie de faire distribuer cette somme. » Ils prirent la rue du Chemin Vert. « Est-ce que cela ne vous est pas une satisfaction, ma cousine ? » continua le colonel, « de marquer cette journée par un bon souvenir dans lequel nous serions associés l'un et l'autre. Oh, moi, qu'ai-je fait ? » ?»« Tout, chère Thérèse, car c'est vous qui m'avez suggéré cette idée par votre réflexion à propos de Denisot. Et l'inspiration n'est-elle pas tout en ce monde, pour le bien comme pour le beau ? Que suis-je en ceci, la main qui exécute ? Vous, ma cousine, vous êtes le cœur. Je ne saurais vous dire combien je suis heureux que cette idée vous soit venue. Ce quartier est celui où a vécu mon père, et c'est un devoir envers sa mémoire, de venir en aide aux enfants de ceux qui ont peut-être été ses camarades, peut-être même ses amis. « Mon cousin, » dit-elle faiblement. Il la regarda et vit ses yeux troublés par l'émotion. « Est-ce que cela vous fâche qu'on vous remercie ? » dit-elle. « C'est selon. Voulez-vous au moins me permettre de vous dire que je suis bien heureuse, cher enfant ?» Il s'arrêta et s'efforça de sourire pour cacher son trouble. Les paroles lui montaient du cœur, brûlantes et passionnées. Ils arrivèrent bientôt à la mairie, mais comme ils allaient entrer, un employé les arrêta. « Et où allez-vous comme ça, je vous prie ? Je voudrais voir le maire. « Vraiment, vous n'êtes pas gêné. » « Ou bien un adjoint. Pourquoi pas ? Enfin, un chef de bureau. » « Les bureaux ferment à 4 heures. Si vous êtes pressé de vous marier, il faudra revenir demain, à 11 heures. » En toute autre circonstance, le colonel aurait rudement remis cet employé à sa place, mais ce mot « vous marier » lui ferma la bouche. Sur son bras, il avait senti la main de Thérèse agitée par un frémissement. « C'est bien, » dit-il, et ils s'éloignèrent sans parler. Bien que le colonel voulût chasser toute pensée de nature à émouvoir son cœur, il ne put s'empêcher de se rappeler cette soirée où, se promenant avec Thérèse sous les galeries de la place royale, un passant leur avait dit, d'un ton moqueur, « Eh bien, ne vous gênez pas, les amoureux !» Ils étaient donc bien évidemment destinés l'un à l'autre par la nature, que tout le monde les prenait pour des amants. Et cependant... Cependant, Michel, à cette heure, devait être libre, et d'un moment à l'autre, il allait venir réclamer sa femme. Sa femme. Ah, certes, non, elle ne serait pas la femme de Michel, et maintenant il ne la céderait à personne. Il l'aimait. Et elle-même, ne l'aimait-elle pas? N'était-ce pas l'amour qui donnait cette expression de tendresse à son regard alangui, qui rendait sa voix si douce, qui faisait trembler sa main? Il n'avait qu'un mot à dire pour le savoir. Émue, troublée, heureuse, comme elle paraissait l'être, elle ne résisterait pas. Il s'arrêta brusquement. Alors elle leva les yeux vers lui et ils restèrent durant quelques secondes, se regardant comme s'ils avaient été seuls en pleine campagne. « Voulez-vous que nous montions en voiture ? » dit-il d'une voix saccadée. « Et pourquoi ? Ne sommes-nous pas bien ainsi ? N'ayez pas peur que je me fatigue, je suis aguerri à la marche. Vous avez raison, il vaut mieux marcher. Marchons. » Et rappelé au sentiment de la réalité, il s'appliqua à ne parler que de choses insignifiantes, ou tout au moins qui ne devaient pas les ramener sur cette pente dangereuse. Le reste de la route se fit plus tranquillement. En rentrant à l'hôtel, il pria Thérèse de monter avec lui dans son cabinet. « La sottise de cet employé de la mairie ne doit pas nous faire abandonner notre projet, » dit-il. « Au contraire, elle nous donne un moyen de le perfectionner. » Disant cela, il ouvrit un tiroir d'où il tira un petit livre dans lequel plusieurs feuillets avaient été coupés. « Connaissez-vous un chèque, ma cousine ?»« Non, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est un bon qu'on détache d'un livre à souche et qui est payable à vue par le banquier sur lequel on a un compte. Ainsi, si j'écris sur une feuille de ce petit livre un bon de 20 000 francs et que j'envoie ce bon à une personne, cette personne n'a qu'à se présenter à l'American Bank pour toucher ses 20 000 francs. C'est ce que nous allons justement faire. Je vais écrire un bon que nous enverrons au maire du 11e arrondissement et le maire pourra dès demain commencer la distribution. » Son chèque écrit, le colonel ouvrit un plan de Paris. « Je vois sur ce plan, dit-il, que les maisons du côté gauche de la rue du Faubourg-Saint-Antoine sont dans le 11e arrondissement et que celles du côté droit sont dans le 12e. De sorte que des enfants auraient à manger à gauche, tandis qu'à droite ils mourraient de faim. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas ? Comment faire ? Le moyen est bien simple. Envoyer au maire du 12e arrondissement la même somme qu'au maire du 11e. Rien n'est plus facile. Comme cela, il n'y aura pas de jaloux. Mon père pouvait tout aussi bien avoir des camarades dans les numéros pairs que dans les numéros impairs. Décidément, cet aimable employé a bien fait de nous mal recevoir. Et il fit un nouveau chèque. « Maintenant, dit-il, à vous. Votre tâche commence. Pour que notre association soit complète, il faut que vous écriviez les lettres au maire. Moi, vous voulez ? Mais certainement, ne sommes-nous pas associés ? Et puis il faut que vous preniez l'habitude de m'aider. C'est bien simple, d'ailleurs. Vous direz que vous envoyez deux chèques que votre cousin, le colonel Chamberlain, met à votre disposition pour que les sommes en provenance soient employées comme nous en sommes convenus. Allons, prenez ma place et écrivez. Je n'oserai jamais. Au moins, me permettez-vous de faire un brouillon ? Pour cette fois, oui, mais seulement pour cette fois. Antoine ne rentra pas pour le dîner. Et ils dînèrent en tête à tête vis-à-vis l'un de l'autre, comme mari et femme. Ne pouvait-il pas, jusqu'à un certain point, s'imaginer qu'il l'était ? Ils se parlaient librement, ils se regardaient sans contrainte, et dans les moments de silence, ils sentaient l'accord parfait de leur cœur dans un sentiment de joie et d'allégresse. Cependant, il y avait une chose qui les retenait à la terre et les ramenait dans la réalité. Chaque fois qu'un domestique ouvrait la porte pour son service, le colonel tournait vivement la tête et Thérèse, sans qu'il fût besoin d'explication, comprenait pourquoi il faisait ce mouvement. N'était-ce point l'arrivée de quelqu'un, de Michel, qu'on venait lui annoncer ? À 10 heures du soir, comme ils étaient dans le grand salon du rez-de-chaussée, regardant ensemble des photographies donnant des vues de ville et des paysages d'Amérique, un domestique ouvrit la porte. Tous deux en même temps levèrent la tête, mais au lieu de regarder le domestique qui s'avançait, ils se regardèrent. « Monsieur Soriol, dit le domestique Désir, Thérèse n'en écouta pas davantage. « Mon oncle, s'écria-t-elle, à quel bonheur ! Ah oui, quel bonheur ! Car ce n'était pas le nom de Soriol qu'ils attendaient. » Thérèse s'était levée vivement et elle avait couru à la porte où sœur Yule se présentait. Elle se jeta dans ses bras. Il l'embrassa tendrement sur les deux joues. Puis s'étant dégagé, il vint vers le colonel les mains tendues. C'était toujours le même sœur Yule. Il n'avait pas changé. Il portait toujours son éternel habit noir, qui semblait une seconde peau pour lui. Seulement il avait remplacé son chapeau par un képi de garde national, qui, posé sur ses longs cheveux plats, tout haut de la tête, lui donnait une physionomie hétéroclite. « Ce cher Édouard, s'écria-t-il de sa voix profonde, suis-je heureux de le revoir. Eh bien, que vous avais-je dit la dernière fois que nous nous sommes vus en nous séparant à la gare de l'Est, que je lui avais porté un coup dont il ne se relèverait pas? Eh bien, est-ce vrai? S'est-il relevé? Le coup était-il appliqué à la bonne place? » Puis, ce juste hommage rendu par lui-même à lui-même, il demanda des nouvelles d'Antoine, de Denisot, de Michel. « Comment? Michel n'est pas encore en liberté, s'écria-t-il. À quoi donc pense le nouveau gouvernement? J'irai demain matin lui présenter mes observations à ce sujet. » Pour lui, c'était à Londres qu'il avait appris la révolution et il était parti aussitôt. « Ce n'est pas seulement la joie de respirer l'air natal qui m'a donné des ailes, c'est encore le sentiment du devoir. Il faut être là. Ce n'est pas que je considère la situation comme désespérée, tant s'en faut. Je crois même que les Prussiens sont dans les plus mauvaises conditions que nous. Ils sont épuisés par leur victoire. Et puis, la diplomatie va agir. L'Europe ne va pas permettre la continuation de cette guerre. « Alors vous ne croyez pas au siège de Paris ?» demanda le colonel. « Peut-être le tenteront-ils, mais ils seront forcés d'y renoncer, bien vite. En tout cas, j'ai pris mes précautions. » Disant cela, il tira de sa poche de son habit un fort revolver de marine. « Voilà, » dit-il en ajustant le lustre, « je suis toujours sûr d'en tuer 6. Avec 10 000 gaillards déterminés comme je le suis, nous tuons 60 000 Prussiens, c'est mathématique. » En parlant, il faisait jouer la batterie de son revolver. Tout à coup, une explosion retentit, accompagnée d'un horrible tapage, comme si le plafond s'écroulait. Un coup était parti, et la balle, traversant le lustre, avait brisé plusieurs pièces de cristal qui, en tombant, avaient produit ce vacarme. Effrayé, Soriol avait lâché son revolver. Revenu de son premier mouvement de surprise, il voulut faire ses excuses au colonel et expliquer comment le coup était parti. Ce n'était pas sa faute, il connaissait à fond le maniement des armes à feu. Ce n'était pas non plus la faute du revolver, qui était une arme de précision, seulement... « Seulement, » interrompit le colonel en souriant, « je crois qu'en attendant que les Prussiens soient à bonne portée, vous feriez bien de ne pas garder votre revolver chargé. »